Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neuron sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures et je m'occupe de la mise en onde et du choix musical avec la collaboration de Denis Marchand et Yves Farley. Vous pouvez aussi nous écouter en direct sur le web à l'adresse cfou.ca et sur iPhone en téléchargeant l'application C'est Fou Live. Aujourd'hui, pour les deux prochaines heures, nous aurons du Cicada de Grèce, Tiger Moth Tales et The Gentle Storm d'Angleterre, Ubi Major, La Concienza di Zeno, Luciano Basso et Maxophone d'Italie. On a une nouveauté de Steve Hackett, on a Opeth de Norvège, on a Progenesi d'Italie aussi, Twombly Burwash d'Angleterre, Riverside de Pologne et Gentle Giant d'Angleterre, bien entendu, et Gentle Giants, c'est dans la partie réservée aux précurseurs du rock progressif, et ils sont revenus sur l'actualité avec une nouvelle sur la reformation intégrale du groupe original. Alors, on va suivre ça de près. Alors, on débute l'émission avec un groupe grec du nom de Cicada. C'est un groupe qui a deux albums à leur actif depuis 2010, et tout récemment, une nouvelle parution du nom de The Finest of Miracles, et on va entendre trois pièces extraites de cet album-là. La première qui s'intitule Siren's Call, ça va être suivi de Wandering et finalement Birth of the Lights. Alors voici Cicada de Grèce. Thank you. c'était le groupe grec Cicada avec la pièce Bird of the Lights. Ça a été précédé de Wandering et Siren's Call, deux autres pièces issues du dernier album du groupe The Finest of Miracles, qui est paru il y a quelques semaines. On continue avec Tiger Moth Tales, qui est en fait l'œuvre d'un multi-instrumentiste qui est aveugle depuis l'âge de 4 ans. Il a consacré sa vie à l'apprentissage de la musique et des instruments. Et il a produit un album l'an dernier qui s'intitule Cocoon. Et la particularité de cet album-là, c'est qu'il y joue toutes les pièces et tous les instruments. Alors, c'est assez spécial et d'une facture très professionnelle. Alors, voici la pièce A Visit to Chigwick de Tiger Moth Tales. To welcome the five soldier boys to protect us, marching on the parade ground. C'était la formation britannique Tiger Moth Tales avec la pièce A Visit to Chigwick et cet extrait de l'album Cocoon qui est paru en 2014. On va conclure le premier bloc de l'émission avec un album assez attendu. C'est l'album de Gentle Storm qui est l'œuvre de Anthony Lucassen, le maître d'œuvre derrière Arion, et avec la participation de Annick van Giersbergen du groupe The Gathering qui a une voix comparable à Annie Aslam de Renaissance, ce qui n'est pas peu dire. Alors on va entendre une pièce qui est tirée de la partie Gentle Version. Je m'explique ici, la version Gentle, c'est que l'album est constitué de deux CD. Et les deux CD contiennent les mêmes pièces. Le premier avec la version Gentle ou Soft des compositions. Et le deuxième album, ben, c'est plus metal, d'où l'appellation Storm. Donc, The Gentle Storm. Et on va entendre la pièce Heart of Amsterdam. Et l'album s'intitule The Diary. Voici The Gentle Storm. Alors, sur les ondes de C'est fou FM 89.1 à Trois-Rivières, vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones, une émission consacrée au rock progressif, et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley. Alors, pour ce deuxième bloc, on débute avec une formation italienne du nom de Ubi Major. C'est un groupe qui existe depuis 1999. Ils ont trois albums à leur actif, dont le dernier Incanti Biomeccanici, qui est sorti il y a quelques semaines. C'est un groupe qui est dans la mouture des groupes comme Biglietto dell'Inferno ou Balletti di Bronzo. Ils ont été un cover de ces groupes-là pendant quelques années. C'est pas une musique facile à amadouer, et ça paraît en fait dans le style du groupe qu'on va entendre immédiatement avec la pièce La Specchio di Mogano. Alors voici Ubi Major. We'll be right back. Alors, on vient d'entendre UB Major, la formation italienne, avec la pièce Lo Specchio di Mogano. Et ça, c'est extrait de Incanti Biomeccanici, qui est leur toute nouvelle parution. On reste du côté italien avec un nouvel album de la formation La Quadsenzia di Zeno. C'est leur troisième album depuis 2011. Alors, on va entendre immédiatement Libero Pensatore et l'album s'intitule La Notte Entier di Giorno. Alors, voici La Quadsenzia di Zeno. Thank you. Alors, c'était la Cosenza di Zeno avec la pièce Libero Pensatore, et c'est extrait de leur nouvel album La Notte Anche di Giorno. On continue avec Steve Hackett, qui est une nouveauté cette semaine. Oui, en fait, ça fait deux semaines, et il a sorti son 24e album studio. Il s'intitule Wolf Light, et on va entendre la pièce Black Thunder. Voici Steve Hackett. Alors, c'était la nouveauté de Steve Hackett de l'album Wolf Light, et c'est la pièce Black Thunder qu'on a entendue. Alors, pour la dernière pièce du deuxième bloc, on va entendre une formation italienne, Progenesi, qui ont produit un seul album en 2013 qui s'intitule Ulysse d'Alfieri Nero, et on va entendre la pièce Il Blu della Notte. Voici Progenesi. Thank you. Alors, sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières, vous êtes à l'écoute de l'émission Rock de Neurone, une émission consacrée au rock progressif, et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley. Alors, on débute le troisième bloc avec une pièce que j'ai empruntée, en fait, entendue à l'émission Le Voyage Insolite. C'est une pièce du groupe norvégien Opeth qui s'intitule Goblin, un petit peu en honneur ou en hommage au groupe italien du même nom. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que Goblin aussi vient de sortir un nouvel album. C'est quand même une formation qui dure depuis longtemps. Et cette semaine, on va entendre la pièce d'Opeth. Et la semaine prochaine, je vous reviens avec un extrait du nouvel album de Goblin. Alors voici cette pièce tirée de l'album Pale Communion. Alors, c'était Opeth avec la pièce Goblin, et c'est tiré de l'album Pale Communion qui est paru en 2014. On enchaîne avec un nouveau groupe sur la scène du rock progressif britannique, Twombly Burwash. C'est nouveau, c'est sorti en novembre. C'est une formation qui est constituée de Kevin McDade et deux de ses fils, avec la participation de d'autres musiciens de studio. C'est pas une formation qui... En tout cas, ce ne sont pas des musiciens qui me sont connus. Par contre, c'est très rafraîchissant comme musique, beaucoup de changements de tempo. Et on va entendre plusieurs pièces à l'émission, dans les prochaines émissions, mais ce soir, on va se limiter à la pièce ZZZVV, et c'est tiré de leur premier album, Grac. Alors voici Twombly Burwash. We'll be right back. Alors, c'était la formation britannique Twombly Burwash avec la pièce ZZZVV de l'album Grac qui est paru en novembre 2014. Alors, on va conclure le troisième bloc avec la formation polonaise Riverside et on va entendre un extrait de leur dernier album qui est déjà paru, ça fait un an et demi, c'est Shrine of a New Generation Slaves et la pièce qu'on va entendre, c'est Escalator Shrine. Alors voici de Pologne, Riverside. Oh, shaky legs against all those wasted years. We roll the boulders off since up a hill of new days. Journey's end before the sun will die. We sense we're almost there, but the night comes too soon, and we crawl in the dark, not ready to face our taste. Unknowing lies, we make to go back. Alors, c'était le groupe polonais Riverside avec la pièce Escalator Shrine. C'est tiré de l'album Shrine of a New Generation Slaves qui est paru en 2013. Après la pause, Luciano Basso, Maxophone et Gentle Giant. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour le dernier bloc de l'émission Rock de Neurones. Et on va débuter avec deux pièces en rafale de groupe italien des années 70. Luciano Basso, qui a fait un album assez bien coté du côté du Billboard, dans le guide du rock progressif du Billboard. Luciano Basso, l'album Voci de 1976 d'influence classique, a été classé comme excellent. Et on va entendre Maxophone, un autre groupe italien des années 70, avec... en fait, ils ont eu un seul album, un album éponyme, Maxophone, et on va entendre la pièce Mercanti di Pazzi. Alors voici Luciano Basso et Maxophone. Thank you. Thank you. l'instant, c'était Maxophone avec la pièce Mercante di Pazzi. Et c'est tiré de l'album éponyme qui est paru il y a 40 ans, en 1975. Et ça a été précédé de Luciano Basso avec la pièce Promenade 2. C'est tiré de l'album Voci qui est aussi paru en fait un an plus tard, en 1976. Alors on va conclure l'émission avec deux pièces de Gentle Giant tirées de l'album Three Friends. La raison pourquoi je ramène Gentle Giant à l'actualité, c'est qu'ils ont annoncé cette semaine que le groupe original va se reformer. J'ignore si c'est pour un nouvel album ou si c'est pour une tournée, mais de toute façon, peu importe l'événement, ça va être à suivre. Alors voici Mr. Class and Quality et Three Friends, extrait de l'album Three Friends.